Autant on emporte le The Event, chapitre 3, le secret d'AlphaCast. Après être rentré dans le bureau littéralement en or massif de Patrick Balkany, sous les yeux émerveillés de Mister MV, toujours abonné au Figaro, les streamers s'assirent sur des canapés en caviar. Ah, c'est vraiment magnifique chez vous, Patrick Balkany. Des étoiles plein les yeux. Merci. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Sardoche fit couler une larme de droite suite à cette histoire magnifique. Écoutez, j'ai une révélation à vous faire. Moment s'attendait à tout moment à ce que le roi des roublards révèle sa relation secrète avec AlphaCast, ancien joueur de l'équipe de France d'Overwatch. Il ne put s'empêcher de se lever de son fauteuil, rugissant, le cul plein de caviar. Vous sortez avec AlphaCast ? C'est ça ? Pleurant, ne pouvant retenir ses larmes, il prit la poudre d'escampette et sortit du bureau de Patrick Balkany, non sans reverser un œuf de Fabergé d'une valeur de 74 millions d'euros. Zerator se leva à son tour, tentant de rattraper son ami, mais se fit interrompre par le maire de Levallois-Perret dans le 92. Laissez-le, il est certainement loin maintenant. Il n'a pas tort, vous savez. J'ai bien une relation avec AlphaCast, mais c'est plus compliqué que ce que vous croyez. Patrick Balkany retira son masque et nos comparses découvrirent le visage d'AlphaCast. Je suis Patrick Balkany. Depuis le début. C'était sûr en fait. Ça alors ? Quelle histoire incroyable ! Du cul ! Rire italien. Silence gênant de 30 secondes. Squeezie pouffa de rire. Je ne pouvais pas mêler publiquement ma vie de politicien de droite, roi des roublards, et de streamer sur la plateforme streaming twitch.tv. Ah oui, en fait, je suis là.